Nzambe nanga Nzamba bokeseni Ozana posa tena betelo lisolo a vinanga Poye ba posa mote malanga Yango la bengio Zenga mambo Le Dieu de la différence Le secours qui ne manque jamais dans la détresse C'est toi Seigneur Dans la tina, na yembe lona